tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah. Moody Bogota dans la maison, l'émission La 25e, Radio-Sud.net, 101.8. Il est 23h05, on prend un peu notre temps, tranquille. Moody nous a gratté la rime facile, donc je vais redonner les 10 mots qu'on lui a imposés. Il y avait Moody, Bogota, Bush, Trap, Quad, Basketball, Baccalauréat et Vacances. Jounes, c'est bon, t'es... Il manque Robin. Robin, pardon. Et Tasse. Et Tasse. Celui-là, il va me tuer. C'est une tasse. T'es en train de filmer ou quoi? C'est bon? Ouais. T'es prêt ou quoi? Comme une tasse, comme on tasse les trucs, quoi. Ok, très bien. Ce que je propose, c'est que tu balances un petit jingle, et puis après, on envoie la rime facile, et puis j'envoie le freestyle dans la foulée. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jounes, 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. À toi de jouer, mon gars. Tu peux balancer une instru là ou oh, mettre... tu veux une instru? Ouais. Vas-y, hein, je te balance ça. Moody Bogota, la 25e. La rime facile. Moody posé en fumant un co-hip-hop. Demande la frappe à Bogota. Remets. On pull up ça, t'inquiète pas. Pull up, selecta. Déjà, tu sais que d'habitude, les mecs ils font ça en acapella, ils demandent pas d'instru. Hein. Donc ah c'est ouais. Bien, c'est bien. Tu relèves le défi. Moody posé en fumant un co-hip-hop. Demande la frappe à Bogota. Godasse sur la tête comme Bush. Capitaine sur le terrain, t'es sur le banc de touche. Jordan et le maillot de basket. Avec Nadal, on te raquette. Soleil plein, c'est parti pour les bavettes. Trois bandes sur le côté, dur survêt. Marbella, la destination des vacances. Parle pas avec nous, t'es qu'une balance. Frappe gaucher, ah, comme Robin. Ta mère la vilaine. Je fume, je te fais une passe. Dans mon lit, tu finis ta tasse. Ça fait combien de mots ça? C'est bon. Hein. Ça fait combien de mots? C'est bon. Mais du coup, il finit sa tasse. Donc, du coup, il boit dans son lit ou il finit sa tasse? Il boit dans son lit, ok. Vas-y, c'est parti, je te balance ton instru. On va dire qu'il a quand même relevé le défi de poser sur une autre prod quand même. You ouais. Win. You win. Moody Bogota dans la 25e. Moody, j'ai fait mon bif sur ton dos. Personne peut m'égaliser. J'suis toujours solo. J'pense au bonheur de la daronne. J'suis la fierté de mes proches. Touche à mon frère, j'vais laisser ton cœur dans ta maison. Bitch, j'suis pas là pour boire. Et tu me parles de me hard. J'suis bouillant. Tu vas pas comprendre, je te place un 4-4-2 devant ta gueule. Tu vas repartir dans un 4x4. Et c'est bel et bien la vérité sur les deux œufs de ma petite sœur. Depuis tout petit, à l'écoute. Aujourd'hui, je vous la mets en pleine ascension. T'as capté mon loup, vos rappeurs qui détaillent, qui prennent de l'extasie, se prennent en i dans une mêlée. Beaucoup de bâtards, je fuck mes ex, zéro peur. Toujours à l'heure, et nouvelle vie commence. Tease avec nous, tu vas repartir comme un anglais. Et pétard sous la ceinture, tu parles sur moi. Je mets de Wada ta femme, Jack Daniel. Au bout de ma bretelle, c'est normal vermine. Ici, on est toujours à l'heure. Respecte les horaires, sinon ta mort sera qu'un événement d'un matin. À l'âge cool, j'étais le plus mystérieux. Je faisais mes affaires. Bienveillance de la mama, j'parle à ma monnaie pour te glacer qu'avec des gens sérieux. Si t'es pas mon ami, je t'envoie la flamme et tu finis dans le sang. Bitch, la crise te remonte dans les caves et tu finiras dans la lave. Si t'es beaucoup trop con, tu pourras pas être mon ami. Même sous tease, t'as ta spé et sur moi je la noie avec mon calibre. Je suis toujours serein et gère calibre jour et nuit. On veut la maille, regarde-moi dans les yeux et tu vas voir la maya. J'ai toujours rêvé de villa pour mes parents. Aujourd'hui, à quelques secondes de mon succès, les jaloux seront toujours sur mon dos. Et regarde bien ma mala, j'ai été perdu. Je voyais tout le monde accélérer le temps et je me suis perdu. Aujourd'hui, qu'il aille se faire foutre, Babanks. Moody, dans la 25e, c'était la rime facile, la session freestyle. Merci en tout cas, merci d'être venu, même si t'es venu tout seul. Merci d'avoir honoré le rendez-vous, d'avoir participé, d'avoir fait l'interview, d'avoir répondu. Merci à vous, hein. Merci de m'avoir accueilli et grosse dédicace à Radio Sud. Yes. Ensemble. Yes, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent retrouver la chaîne YouTube, c'est Moody Bogota, M2ODY Bogota, comme Bogota. Hein, vous n'êtes pas des incultes. Instagram, moody.bogota. Il est colombien, Bogota? Non. Macédoine, je t'ai dit. Macédoine. Ah, wesh. T'as pas retenu. Moody.bogota-du-bas sur Insta. Et allez mater le clip George Bush qui est déjà sorti. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que vous vous projetez? Est-ce que vous voulez sortir des trucs? Une mixtape ou vous êtes encore en mode... Ouais, bah là on est en train de réfléchir. On voulait sortir un clip cet été là. Et on va voir, on va essayer de choisir un son. Et normalement, bah, peut-être un son cet été là. Et sinon pour les mois à venir, bah, on fait des textes, on gratte et voilà. On n'a pas encore de projet fixe. On a au niveau feeling en fait. Ok. Donc pour tous les auditeurs, pour toutes les auditrices qui nous écoutent un peu partout, sachez que là c'était la première radio de Moody Bogota, enfin de Moody en tout cas. Ils sont là depuis décembre, ils viennent de commencer. Ils ont déjà des clips, des sons, tout ça. Donc, force pour vous dans vos projets. Continuez à faire votre kiff comme vous avez envie. Merci. Et puis, bientôt, il y aura sûrement des open mic qu'on remettra en place. Donc, la table est toujours ouverte à tout le monde. Même si on n'ouvre pas des tables, mais c'est pas grave. Ok, merci à vous et merci de m'avoir accueilli encore. Yes. Non, je dis, attends. Juste, je viens de repenser à un truc là avant de te libérer. Vous avez un manager? Ouais. C'est qui votre manager? C'est Miquette. Et c'est quoi son rôle du coup dans le Bah, dans lui, en fait, il a contacté des gars de Paris là pour faire un clip avec eux. Ouais. Vu qu'ils étaient intéressés. Ouais. Et voilà, genre, il gère nos publications et voilà, c'est léger. Ok. C'est un mec d'ici? Non, il est de Paris. Ok. Mais il va venir à Bezac, là, il va déménager là. Ok. Ouais. Très bien. Mot de la fin, Jounes, quelque chose à rajouter? Croc. Voilà, donc s'il a dit ça toute l'émission, il nous a arrêté. Ça arrête. Bang. Oui. Qui était là avec nous? Est-ce que t'as quelque chose à dire avant de partir? Les infirmières. Bah écoutez, moi j'ai passé une bonne soirée avec vous. Les infirmières. Bon, maintenant c'est bon, t'es sympa, tout ça. Elles sont où les infirmières? Ouais, elles sont chez elles. On va y aller. Et il y a Théo 2S là derrière, là, il voulait me faire écouter un morceau. Est-ce que tu veux le mettre? C'est un morceau de qui? C'est quoi le morceau que tu voulais mettre là? Comme ça, on fait la pause, nous, on va faire les photos, tout ça. Essaye de faire vite, non? Voilà, parce qu'il est 23h13, j'ai rouf, le morceau il passe à 1h. Enlève-le! Si tu veux, je mets un autre morceau avant. Ok. Donc là, je me mets en mode DJ, je vais regarder un peu ce que j'ai dans ma playlist. Je regarde, je défile. C'est bon, on va mettre le son de Théo2S maintenant. C'est bon. Ok. Ouais. Dis-moi quand c'est bon, et puis c'est on bon, balance vas-y. Ça. Vas-y, on voit. C'est parti, Théo2S. Your waist and turn off these lights. Bye, get away tonight. Move up, I'm on fleek way too high. Bye, let me see your light. Move up, your waist and turn off these lights. Bye, get away tonight. 3, 4, je prends la température et je repars vers ailleurs. Après quelques verdures, on consomme la verdure. Il nous sac le mal. Malgré ça, on assure. Tu me le jettes, je te crève. Eh, pépé, pépé, le calume et j'allume. Au milieu de la piste, toute la soirée, j'assume. On est là pour la nuit. Elle m'a donné son nu, mais je vais rien lui redire. Eh, eh, eh. Je vois mes rails sur la gauche, je vois mes rails sur la droite. Y'a pas de verre de trop en buffet à ma table. Sylvain reste à ma gauche, Sylvain reste à ma droite. Obligata, mos junta, t'es au final d'un an. Bye, bye, let me see your lights. Move up your waist and turn off these lights. Bye, bye, get away tonight. Move up, I'm on fleek way too high. Bye, bye, let me see your lights. Move up your waist and turn off these lights. On est tous en vadrouille, savez ce qu'il est casse-couille. J'lâche des vues, il voit flour, parfumer une cartouche. Allez, j'sais que ça aime trop parler, ça y est. Y'a pas de blême, trop gros, fais ta soirée, hein. Ouais, tout est réel, dans un monde parallèle. Pense à faire de l'oseille pour du superficiel. Recèle-toi un verre, fais comme à la messe. Donne pas de filon, j'ai déjà toutes les ficelles. Rien que ça échange des regards pour la vie ou un soir. On s'est vu depuis le départ, elle repart avec moi. Il est déjà très tard, j'ai les yeux qui se ferment pas. Il faut tous les fêtards et termine terre. Bye, bye, let me see your lights. Move up your waist and turn off these lights. Bye, bye, get away tonight. Move up, I'm on fleek way too high. Bye, bye, let me see your lights. Je pense, petit devient grand, je donne pas ma confiance. Non, j'ai pas, j'ai chant. Vise les sommes alléchantes, claque le bif tout l'été. Je vais pas péter le champ si demain j'ai percé. Se sentir de faire ça, nous on sait le faire ça. Et quand t'es buté, toi, même si ça te plaît pas, ce qu'ils font, on le fera. En fumée, ton s'évade. On veut kiffer notre life jusqu'au dernier soir. Why you wanna play? You play with my nerves. Why you wanna stay? You know you'll be hurt. Why you wanna play? Man, I look you in the eyes. Whatever you split is always lie. Let me learn you something. I always knew who you are. Don't worry, my baby, 'cause I have no hard feelings. Why you wanna play? You play with my nerves. Why you wanna stay? You know you'll be hurt. Mes deux gants, très mal sapé, on reste élégant, on peut montrer les dents. Pour de l'argent, l'été je veux zapper, partir sur feuille blanche. You're a cheater, boy you are. You're a fucker, and you never be my star. You wanna play, you play with my nerves. Boy you wanna stay, you know you'll be hurt. Boy you wanna play, you play with my nerves. Combien de fois j'ai rêvé de toi, que je te tenais la main. Et je me souviens, j'étais jeune et con, j'ai pas su faire des choix. Sur mon chemin, j'ai vu beaucoup de cons, mais y'a des bons des fois. Et je te raconte ma putain de vie, faut garder la foi. Et dans ma tête se cache une fille, elle est tout pour moi. Oh que c'est bête, j'ai perdu du temps, mais j'ai gardé l'espoir. Je veux la recette, mais va des décis, partir sans au revoir. La vie elle est belle, la fait compliquée, à penser qu'on aime ça. Et le soir, je fume des gros joints, j'arrête pas de boire. Dans mon élan, j'envoie des des messages à tout mon répertoire. Et j'aime leur dire, faut poursuivre ses rêves, mais surtout y croire. Et je me rappelle du goût de tes lèvres, de tes mots doux de soir. Et à l'ancienne, c'était tellement bon que je veux m'y revoir. Et on se plaint de vivre la misère, mais de quoi on parle? Et aller voir dans les pays voisins ce que c'est d'avoir faim et se doucher avec un seau d'eau sans avoir de shampoing. Quand j'y pense, ça me fait réfléchir, j'aimerais vous tendre la main. La vie est dure et très compliquée, on travaille comme des chiens. Et c'est pour ça j'écris sans arrêt, que je ne lâche rien. Demande à Chris, on fume de la beurre, on rigole comme des frangins. Demande à Emmerich, t'as trop bu ce soir comme Philippe, on est plein. Le lendemain, il faut travailler, il faut se lever. C'est la routine, un temps de réveil à 6h sonner. De rentrer à 6h le soir, aller se doucher, après manger, ensuite se doucher. La routine elle est noire, t'as dépensé ton salaire d'un mois dans une soirée, dans des chaussures, dans des putains de vestes, dans des trucs à chier. Et la vie, elle est tellement belle qu'il faut en profiter. Les gens que t'aimes, faut les côtoyer, il faut en profiter. Car on ne sait pas ce que la vie nous réserve, on connaît pas ses choix. On a une fin, peu comme ma musique, et c'est comme ça. Melvin sait bien, continue d'écrire, envoie-nous des salles. Donc je retiens les conseils de mes amis, les conseils des plus sages. Je me balade dans les rues de ma ville, on me voit sur Instagram. Ça fait plaisir pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes. Et j'avance seul, j'ai besoin de personne, mon inspire vient à night. Un peu d'alcool, je fume dans le shit, car le goût de la salade. Ils font les hommes, ils jouent les bandits, mais ils tapent sur des femmes. Ils assument pas d'entendre la vérité quand elle arrive en pleine flash. Je suis perdu, je veux que tu m'appelles, dans ton cœur je veux une place. Si je suis nul, souvent je me revois quand je te répondais pas. Et aujourd'hui, c'est moi qui regrette, qui revient à grands pas. Ouais, comme tout homme, j'ai besoin d'amour et j'ai envie de toi. Après tout ça, je te reverrai plus, c'était le coup d'un soir. Je te réponds pas, je te répondrai plus, je crois que c'est mieux comme ça. La vie elle est bête, est très compliquée, au final on aime ça. Et je vous laisse découvrir le reste dans les prochains freestyles. J'ai pas fini, non j'ai pas fini de vous raconter ma vie. Oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui. Hey, hey, hey. Dédicace à Céline. J'ai le feu qui nique mère, t'as le feu qui vite fait. On vient de la côte, je te déçois ou je te mets bien comme un test de grossesse. Je vois plus le monde aveuglé par ses grosses fesses. Qui veut des prothèses? Celle qui nous jugera, celle gueule qui protège. Je tire sur un truc gras, un pilon obèse. Mes gars ont tous des gros calibres, font plus de crimes que le vocalise. Prêt à tout même, la cocaïne, avec le sourire de Mona Lisa. Je parle pas de YouTube quand je dis que je vais monétiser. Même quand je les nique, je mets des crochets stylés. Big CDG sans le bol. CDG, c'est les tauliers. CDG, ça sent la bonne, oui. C'est du mat, je vous dis bonne nuit. CDG sans le bol. CDG, c'est les tauliers. CDG, ça sent la bonne, oui. C'est du mat, je vous dis bonne nuit. La CDG, c'est une obligation tout niquer. Je pars en mission flow RSK. Je la glisse comme un KitKat 4-4 tout terrain. MT1, donne-moi la main. On a rien sans rien. Je te la termine en missionnaire ou à 4 pattes. Trop sadique, j'en fais mouiller mon style oblique. Laisse-les croire, je suis en chien. Zifou, on m'a jeté au loup. J'en suis revenu chef de la meute. Je démarche, provoque une émeute en raffole. Mais s'il te plaît, fais pas la folle. J'ai pas le time pour tous ces mongols. Trop vénère, ils le savent. Je baise leur mère, je les mets à terre. Mon barreau, c'est du verre. Je crache de l'acide. Mon rap est toxique pour les minots anti-michto. Je me tue à la weed à 3 balles le lock, j'en fume toute la ville. CDG sans le bol. CDG, c'est les tauliers. CDG, ça sent la bonne, oui. C'est du mat, je vous dis bonne nuit. CDG sans le bol. CDG, c'est les tauliers. CDG, ça sent la bonne, oui. C'est du mat, je vous dis bonne nuit. CDG sans le bol. CDG, ça sent la bonne, oui. CDG sans le bol. CDG, ça sent la bonne, oui. CDG sans le bol. CDG, c'est les tauliers. CDG, ça sent la bonne, oui. C'est du mal, je vous dis bonne nuit. Ah. Barcelona, Barcelona, hey. Capello. Barcelona, j'habille mon cône, il est plein de fer. La plage est vide, un flash est tonne, un coup amer. Dans ma bédo, plage et la mer. Belle comme un porto, c'est demeure on s'épaisse. Tout devient loco, tout de la locale. La guardia va bueno, j'fais taf comme Valbuena. Que j'ai le vient tout, moi j'achète, je revends man. Moi j'achète, je revends man, hey. Tony connaît ses plans, Tony Parker. Faire du bif, il était en mise à part. Les chiffres me rendent élégant, donc ça tchatche. Faudrait que j'augmente les ventes, besoin de cash. Toujours dans une good vibe, je fais tout pour être coupable. Tu sors dans les coupards, qui connaît le coupable. Son fait pas de coupable, avec que j'ai tout lien. Place une pour tous mes bras dans la good vibe. Toujours dans une good vibe, je fais tout pour être coupable. Tu sors dans les coupards. Mes bras, pas les goodbye. Allo boy, j'ai besoin de droite. Quand je plus de monnaie, Jean et Charles le consommer. Y'a du gras pas cher, y'a du gras pas cher. Le beat est sale, le texte aussi. Donc ça t'épate. Y'a un des potes qui pousse des passes. Tapez l'eau, qui pousse le mic. Qui pousse le mic, mais qui met ça à Jack. Avoir un H de carte et la preuve de dance. Qui met des claques, qui met des claques. C'est quoi les guests, joue pas la Gestapo. Faut les wet, qu'ils se grattent les veines comme un Young Zero. J'suis dans le game, j'veux plus de gains par KO. J'mets la doudoune sur le Kawaii, je trace ma route, je trace ma route. Toujours dans une good vibe, j'fais tout pour être coupable. Tu sors dans les coupards, qui connaît le coupable. Personne fait pas de coupable, la récolte est tout liard. Je passe une pour tous mes bras dans la good vibe. Toujours dans une good vibe, j'fais tout pour être coupable. Tu sors dans les coupards, qui connaît le coupable. Personne fait pas de coupable, la récolte est tout liard. Mes bras, allez goodbye, allez goodbye. Capello, hey, mes bras. Yeah, la 25e, on est toujours là, on est toujours là, on va diffuser encore quelques morceaux et puis après, on rendra l'antenne dans le plus grand des calmes. Je vais envoyer du local, du local, du local, comme d'hab. Yes, la 25e. Là c'est le flow, gros calibre. Pendant qu'ils font leur vocalise, tendance trop de tarifs, trop de crimes perdus dans la matrice. Trop analyse, peu jeu, analyse leur texte. Trop de velvex, que son max quand nous on se canalise. On analyse l'atmosphère, rare comme nous sur un poster. Nous on parle fort quand il faut se taire. Y'a que devant Dieu qu'on se prosterne. Nous on parle pas comme dans un western. On voit les viscères, des rappeurs on leur fait la misère. On les prend aux cochottes, on les digère. Ouais, c'est clair, y'a bruit de street et crête. Plus litier, ça crève pour une paire de seufs. Plus trèfle, cheveux de poche, une gosse en Billie Jean. Vécu, factice, vendu pour un peu de rêve. Tant que tu l'affiches pour goûter l'enfer. Quel bleu de merde, tout ça pour nos pères dans ce monde de merde. On reste fier, toujours entre frères. On baise le thème, on croise le fer. Si y'a un problème, on la jouera pas crème. Pas de sentiments, mais les gants. Tu seras peur qui te mangeait dans les temps. Crochet rapide dans les dents. Froid du camion sur la tente. Ah il saoule. Ils sont vos places. Yo, ouais, ils sont où les détracteurs? Les nombres de putes, les chasseurs. Ça change de vie, ton nombre de vues fera jamais de toi un bon acteur. Yeah. Alors sont où les scuds frère? Tu clips, mais pour entrer la mic, tu te rends compte vite que le mic s'éclipse. Dis-moi, ils sont où tes équipes de fous? Zarma, ceux qui font les gros coups, ça chante, mais ça n'a pas de coups. Fort, ces fils de lâche, on refoule en déboulant de balles, on vous la met dans le bout. Et ma poule, ramasse les douilles, les bacs qu'on empale, tu t'en restes en coude. On crame les bails, on choque la foule. Sont où ceux qui poussent et poussent et ouf? Et la font tous les jours, autant que vous le voulez tous. La prime de coups, va les roues et goûte. Sont-ils? Moi, je crois que j'ai senti un contrat sur leur tête, vaudrait pas mieux que quelques centimes. CPR, CJ Bless, encore une assaut, c'est bien sorti. Sont où ceux qui veulent test? Tente de retrouver la sortie. Trop de face dans le cockpit. Ah, c'est face ta copie. J'écarte les gars, s'écrase les masses. Mon rap, c'est pas ta copie. Yeah. Où vous êtes, vous êtes. Si du BF, c'est BR. Check. Yeah. Affaire à suivre. L'accouchement, le calife. Calife à la place du calife. Le calife à la place du calife. J'ai pas peur d'être grossier, c'est pas du rap de puceau. Ma tête est fume de cure, on a les prépubères sauve pas les groyeuses, on dirait Homer Simpson. Regarde au grave, parle mal, Charles Smith et Wesson. Connais-tu le compte pour une prostitute? C'est d'être à deux doigts de la retraite. T'as pas de classe, pas de swag. T'inquiète amigo, j'te filerai la recette. T'as le trou de balle tellement dilaté. Quand elle touche les bords, ton nez s'est illuminé. Docteur Maboule, j'te pose mes couilles sur le front, tu t'écroules. J'te fais le coup du pachyderme, encre noir sous l'épiderme. J'suis nouveau dans ce rap game. Comparé à ces M6, c'est que du lait que j'ai derrière les oreilles. J'suis venu percer une deuxième fois ton email. On a tous une idée derrière la schneck. Les rappeurs sont vos codeurs, ils sont pire que fatigués. Le rap ça fait peur, pire que chétanisé. Je les mets tous au tapis, tu veux flammer tout le veto. Moi et ma musique, on est versé depuis le verso. Je suis pas venu m'amuser, je vais fumer comme une Marlboro. Tu peux compter sur moi, mes couilles sont bien plus grosses qu'un taureau. Je vais signer M2D sur ton cul, appelle-moi Zoro. Je ferai bouger ton cul, chéri, même sur du Yacalero. Bien sûr, je veux des lords pour tous mes chacaleros. Pour ma faute des lords pour tous mes chacaleros. Moi j'ai amri, oh la la. J'y ai rien dit, oh la la. T'es pas prêt d'arrêter, les gars sont tous arrêtés. Auto il faut que vous sachiez, on vole à moi en sachet. Les gars sont tous validés, tu l'as vu qu'on est fâché. J'suis beaucoup trop impliqué, je vais te sur le cachet. Sinon je vais faire des plaisirs, micro mon coéquipier. Crois-moi y'a plus d'amitié, j'connais des gens sans pitié. Bébé quittera la cité. La 25ème. Je veux des millions par millier. Ouais. On est là. C'est Dieu qui m'a validé. Ouais. C'est Dieu qui m'a validé. 120.8. La 25ème. Oh la la. J'y ai rien dit. Oh la la. Ouais, j'ai marqué. Oh la la.